je m'appelle Lolita. Le ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la Lolita.